John Stuart Mill, Mes mémoires, histoire de ma vie et de mes idées. Traduction, Émile Cazel. Chapitre 1er. Mon enfance, mon éducation première. Je dois, au début même de cet essai de biographie, faire connaître les raisons qui m'ont déterminé à laisser après moi un souvenir d'une vie aussi dépourvue d'événements que l'a été la mienne. Je ne m'arrête pas un seul instant à la pensée que ce que je vais raconter puisse exciter l'intérêt du public, soit par le charme du récit, soit parce que ma personne en fait le sujet. Mais j'ai cru qu'à une époque où l'éducation et les moyens qui tendent à l'améliorer sont l'objet d'une étude plus constante, sinon plus approfondie qu'elles ne le furent jamais en aucun temps en Angleterre, il y aurait quelque utilité à faire le tableau d'une éducation conduite en dehors des voies habituelles et d'une façon remarquable. Cette éducation, quels qu'en aient pu être les fruits, a pour le moins démontré qu'il est possible d'enseigner, et de bien enseigner, beaucoup plus de choses qu'on ne pense, durant ces premières années de la vie dont les procédés vulgaires, qu'on décore du nom d'instruction, ne tirent presque aucun parti. Il était à la fois intéressant et profitable de noter les phases par lesquelles a passé un esprit qui tendit toujours au progrès, aussi prompt à apprendre qu'à désapprendre, soit par l'effet de ses propres pensées, soit par l'influence de celles d'autrui. Mais un motif plus puissant que les autres a été le désir de reconnaître hautement ce dont je suis redevable, pour mon développement moral et intellectuel, à des personnes dont quelques-unes sont célèbres et dont quelques autres méritaient d'être plus connues. Parmi ces dernières, il en est une à qui je dois plus qu'à personne et que le monde n'a pas eu l'occasion de connaître. Le lecteur, que ces détails n'intéressent pas, ne devra s'en prendre qu'à lui-même s'il poursuit sa lecture. Je ne lui demande qu'une chose, c'est de ne pas oublier que ces pages n'ont pas été écrites pour lui. Je suis né à Londres, le 10 mai 1806. Je suis le fils aîné de James Mill, l'auteur de l'Histoire des Indes anglaises. Mon père, fils d'un chétif marchand qui exploitait aussi, je crois, une petite ferme à Northwater Bridge, dans le comté d'Angus, en Écosse, attira par les qualités de son esprit l'attention de Sir John Stuart de Fettercairne, membre de la cour de l'échiquier d'Écosse. Sir John Stuart le fit entrer à l'université d'Édimbourg, avec une bourse que Lady John Stuart, sa femme, et d'autres dames avaient fondée pour l'instruction de jeunes gens destinés à l'église d'Écosse. Mon père y fit toutes ses études et reçut ses licences de prédicateur. Pourtant, il n'entra pas dans la carrière ecclésiastique parce qu'il voyait bien qu'il ne pouvait pas croire les doctrines de l'Église d'Écosse, pas plus que celles d'aucune autre Église. Pendant quelques années, il exerça la profession de précepteur dans plusieurs familles d'Écosse, entre autres chez le marquis de Tweddle. Puis il se fixa à Londres et se mit à écrire. Jusqu'au moment où il obtint un emploi dans les bureaux de la Compagnie des Indes, il n'eut pas d'autre moyen d'existence que sa plume. Cette période de la vie de mon père présente deux particularités dont il est impossible de n'être pas frappé. L'une par malheur très commune, l'autre au contraire des plus rares. Notons d'abord que, dans sa position, sans autre ressource que le produit fort précaire des écrits qu'il composait pour des publications périodiques, il se maria et eut beaucoup d'enfants, tenant en cela une conduite on ne peut plus opposer aux opinions qu'il professait énergiquement, au moins à une période plus avancée de sa vie. Remarquons ensuite la force extraordinaire qu'il fallait pour mener une vie comme la sienne, dans les conditions désavantageuses qu'il subissait depuis le commencement et qu'il venait d'aggraver par son mariage. C'eût été bien assez, n'eût-il pas fait davantage que de pourvoir à l'aide de sa plume à ses propres besoins et à ceux de sa famille pendant tant d'années, sans s'endetter jamais ni lutter contre les embarras d'argent. Pourtant, il professait en politique, comme en religion, des opinions qui ont toujours été odieuses aux gens influents, et à la masse des Anglais dans une situation florissante, et qui étaient plus odieuses encore à cette époque que durant la génération précédente, ou qu'elles ne le furent pendant la suivante. Rien n'aurait pu le déterminer à écrire contre ses convictions. Au contraire, il ne manquait jamais de profiter de toutes les occasions que lui offraient les circonstances pour produire ses opinions dans ses écrits. Jamais, il faut le dire aussi, il ne faisait rien négligemment. Jamais il n'entreprit un travail littéraire ou d'un autre genre auquel il ne put pas consacrer consciencieusement le travail nécessaire pour l'accomplir dignement. C'est sous le poids de ces charges, qui qu'il a tracé le plan de son histoire des Indes, qu'il l'a commencé et terminé, dans l'espace de 10 ans, en moins de temps qu'il en aurait fallu, même à des auteurs moins occupés d'ailleurs, pour composer un ouvrage historique d'une égale étendue et qui nécessita la même somme de recherche. Ajoutez à cela que, durant tout ce temps, il consacrait une grande partie de ses journées à l'instruction de ses enfants. Pour moi, notamment, il s'imposait un travail, des soins, une persévérance dont il n'existe peut-être pas d'autre exemple, afin de me donner, selon les idées qu'il s'en faisait, l'éducation intellectuelle la plus élevée. Mon père, qui observait si fidèlement dans sa conduite le précepte qui défend de perdre son temps, devait naturellement le mettre en pratique dans l'éducation de son élève. Je n'ai gardé aucun souvenir de l'époque où j'ai commencé à apprendre le grec. Je me suis laissé dire que je n'avais alors que 3 ans. Le souvenir le plus ancien que j'en ai conservé, c'est que j'apprenais par cœur ce que mon père appelait des vocables, c'est-à-dire des listes de mots grecs avec leur signification en anglais, qu'il écrivait pour moi sur des cartes. De la grammaire, durant les années qui suivirent, je n'appris que les inflexions des noms et des verbes. Après qu'il m'eut garni la mémoire de vocables, mon père me mit tout d'un coup à la traduction. Je me rappelle vaguement que je déchiffrais les fables d'Ésope, le premier livre grec que j'ai lu. L'Anabase, dont je me souviens mieux, fut le second. Je n'ai commencé le latin qu'à 8 ans. À cet âge, j'avais déjà lu, sous la direction de mon père, plusieurs prosateurs grecs, parmi lesquels je me rappelle Hérodote, que j'ai lu tout entier, ainsi que la Cyropédie et les entretiens mémorables de Socrate, quelques vies de philosophes dans Diogène Laërce, une partie de Lucien, le Démonique et le Nicoclès d'Isocrate. Je lus aussi, en 1813, les 6 premiers dialogues de Platon, dans l'ordre vulgairement adopté, depuis le Typhon jusqu'au Théétète inclusivement. Il aurait mieux valu me faire passer ce dernier dialogue, puisqu'il m'était absolument impossible de le comprendre. Mais mon père, dans toutes les parties de son enseignement, exigeait de moi non seulement tout ce que je pouvais, mais encore ce qu'il m'était souvent impossible de faire. On jugera par un fait de ce qu'il s'imposait à lui-même pour m'instruire. Je préparais mes devoirs de grec dans la même pièce et à la même table où il écrivait. Et comme il n'y avait pas alors de dictionnaire grec-anglais, et que je ne pouvais pas me servir d'un lexique grec-latin, puisque je n'avais pas encore commencé le latin, j'étais forcé de recourir à mon père et de lui demander le sens des mots que je ne connaissais pas. Il supportait ces interruptions constantes, lui le plus impatient des hommes, et c'est à l'époque où je l'interrompais ainsi sans relâche qu'il écrivit plusieurs volumes de son Histoire des Indes, comme tout ce qu'il eut à écrire durant ces années. L'arithmétique est la seule chose après le grec dont j'ai reçu des leçons à cette époque. Ce fut encore mon père qui me l'enseigna. C'était le travail du soir, et je me rappelle bien l'ennui qu'il me causait. Mais ces leçons n'étaient encore qu'une partie de l'instruction que je recevais journellement. J'apprenais beaucoup par les lectures que je faisais moi-même et par les conversations que mon père avait avec moi pendant nos promenades. Depuis 1810 jusqu'à la fin de 1813, nous vécûmes à Newington Green, alors à peu près au milieu des champs. La santé de mon père exigeait qu'il fît constamment beaucoup d'exercices. Il se promenait d'habitude, avant le déjeuner, dans les rues en sentier qui conduisaient à Hornsey. Je l'accompagnais toujours dans ses promenades, et mes premiers souvenirs de la verdure des champs et des fleurs sauvages se trouvent mêlés à ceux des récits que je faisais chaque jour à mon père de mes lectures de la veille. Ce que je me rappelle le mieux, c'est que cette tâche était volontaire plutôt qu'un devoir. En lisant, je prenais des notes sur des bouts de papier, et d'après ces notes, je racontais à mon père, pendant notre promenade du matin, l'histoire que j'avais lue. Car les livres que j'avais entre les mains étaient surtout des livres d'histoire. J'en ai lu de la sorte un grand nombre. Robertson, Hume, Gibbon. Mais mon plus grand plaisir alors, comme longtemps après, était de lire l'histoire de Philippe II et de Philippe III d'Espagne dans Watson. L'héroïque défense des chevaliers de Malte contre les Turcs, la résistance des provinces unies des Pays-Bas contre l'Espagne, excitèrent en moi un intérêt vif et durable. Après Watson, ma lecture favorite était l'histoire de Rome, de Hooke. De la Grèce, je n'avais pas encore vu d'histoire en règle, si ce n'est un abrégé à l'usage des écoles des 3 derniers volumes d'une traduction de l'histoire ancienne de Rollin, commençant à Philippe de Macédoine. Mais je lus avec délice la traduction de Plutarque de Langhorne. Quant à l'histoire d'Angleterre, Après l'époque où Hume s'est arrêté, je me rappelle d'avoir lu l'histoire de mon temps de Burnet, où je ne m'intéressais guère qu'aux guerres et aux batailles. Je lus aussi la partie historique de l'Annual Register, depuis le commencement jusqu'en 1788, environ, époque où s'arrêtaient les volumes que mon père empruntait pour moi à M. Bentham. Je prenais un grand intérêt au sort de Frédéric de Prusse pendant ses dangers, et à celui de Paoli, le patriote corse. Mais quand j'arrivais à la guerre d'Amérique, je pris parti, comme un enfant que j'étais, pour la mauvaise cause, parce qu'elle s'appelait la cause de l'Angleterre. Mon père me ramena à la bonne. Dans les fréquentes conversations que nous avions sur nos lectures, mon père se servait de toutes les occasions pour me donner des explications et des idées sur la civilisation, le gouvernement, la moralité et la culture intellectuelle. Et il exigeait que je les lui reproduise dans mon langage. Il me donnait à lire aussi beaucoup de livres qui ne m'auraient pas assez intéressé pour que je voulusse les lire de moi-même, puis il m'obligeait à lui en rendre compte. Ce furent entre autres les Considérations historiques sur le gouvernement anglais, de Millar, ouvrage excellent pour son temps, et que mon père appréciait beaucoup. L'Histoire de l'Église, de Mosheim, la vie de John Knox, de MacCry, et même l'Histoire des Quakers, de Sewell et Rutty. Il aimait à me mettre entre les mains des livres qui me présentaient l'exemple d'hommes énergiques et pleins de ressources, aux prises avec des difficultés graves qu'ils parvenaient à vaincre. Parmi ces livres, je me souviens des Souvenirs d'Afrique, de Bearer, et le récit du premier essai de colonisation de la Nouvelle-Galles du Sud par Collins. Deux ouvrages que je ne me lassais pas de lire étaient Les Voyages d'Anson, qui plaisait tant à la jeunesse, et une collection, celle d'Oxworth, peut-être, de Voyages autour du monde en 4 volumes, commençant à Drake et finissant à Cook et à Bougainville. Je n'ai guère reçu de livres d'enfants, pas plus que de jouets, excepté quand des parents et des amis m'en faisaient cadeau. De tous les livres de ce genre, Robinson Crusoe fut celui qui me frappa le plus. Je l'ai lu avec plaisir durant toute ma jeunesse. Sans doute, il n'entrait pas dans le plan de mon père d'exclure les livres d'amusement, mais il me les permettait avec une grande parcimonie. À cette époque, il n'en possédait presque pas, mais il en empruntait pour moi. Je me rappelle avoir lu Les Mille et Une Nuits, Les Contes Arabes, de Cazotte, Don Quichotte, Les Contes Populaires, de Miss Edgeworth, et un livre qui jouissait alors d'une grande réputation, Le Fou de Qualité, de Brooke. À 8 ans, je commençais le latin en compagnie d'une sœur cadette, à laquelle je l'enseignais à mesure que je faisais des progrès. Ma sœur répétait nos leçons à mon père. Depuis lors, d'autres sœurs et d'autres frères me furent successivement donnés comme élèves. Une grande partie de mon travail quotidien consistait dans l'enseignement préparatoire que je leur donnais. Cette tâche ne me plaisait guère, car j'étais responsable des devoirs de mes élèves presque autant que des miens. Toutefois, j'ai tiré de ce régime un grand avantage. J'apprenais plus à fond et je retenais plus solidement ce que j'avais à enseigner. Il était possible aussi qu'à l'âge où j'étais, la pratique que j'acquérais en expliquant à d'autres les choses difficiles m'ait été utile. À d'autres points de vue, l'expérience de mon enfance n'est pas favorable au système d'instruction mutuelle des enfants. L'enseignement, j'en suis sûr, ne produit par lui-même que des effets médiocres, et j'ai pu me convaincre que les rapports de maître à élève ne sont une bonne discipline morale ni pour l'un ni pour l'autre. C'est de la sorte que j'ai appris la grammaire latine. Je traduisis une grande partie de Cornelius Nepos et des commentaires de César, ce qui ajoutait à la surveillance de tous les devoirs un travail bien plus long encore pour moi-même. La même année que je commençais le latin, j'abordais pour la première fois les poètes grecs par l'Iliade. Quand j'y fus un peu avancé, mon père me mit entre les mains la traduction de Pope. C'était le premier poème anglais que je prenais plaisir à lire. Ce fut aussi l'un des livres pour lesquels, pendant bien des années, je montrais le plus de goût. Je l'ai, je crois, lu en entier de 20 à 30 fois. Je n'aurais pas songé à faire mention d'un goût qui semble si naturel à l'enfance si je n'avais pas cru observer que le vif plaisir que me procurait ce brillant récit en vers n'est pas aussi universel parmi les enfants que j'aurais pu le supposer, soit a priori, soit d'après mon expérience personnelle. Bientôt après, je commençais Euclide, et 1 an plus tard l'algèbre, toujours avec mon père pour maître. De 8 à 12 ans, je lus, en fait de livres latins, les Bucoliques, de Virgile, et les 6 premiers livres de l'Énéide. Tout Horace, moins les Épodes, les fables de Phèdre, les premiers livres de Tite-Live, auxquels par amour pour l'histoire romaine j'ajoutais, à mes heures de récréation, le reste de la première décade. Tout Salluste, une grande partie des Métamorphoses d'Ovide, quelques comédies de Terence, 2 ou 3 livres de Lucrèce, plusieurs discours de Cicéron et quelques-uns de ses écrits sur l'art oratoire. Ses lettres à Atticus, au sujet desquelles mon père me donnait des explications historiques qu'il prenait la peine de traduire pour moi du français, des notes de Mingo. En grec, je lus d'un bout à l'autre l'Iliade et l'Odyssée. 1 ou 2 tragédies de Sophocle et d'Euripide, autant de comédies d'Aristophane, bien que j'en retirasse peu de profit. Tout Thucydide, les Héléniques de Xénophon, une grande partie de Démosthène, d'Échine, de Lysias. Théocrite et Anacréon, une partie de l'Anthologie, un peu de Denis d'Halicarnasse, plusieurs livres de Polybe, et enfin la rhétorique d'Aristote. C'était le premier traité vraiment scientifique sur la psychologie et la morale que je lisais. Comme il contient un grand nombre des meilleures observations des anciens sur la nature humaine, mon père me le fit étudier avec un soin tout particulier, et m'en fit mettre le sujet en tableau synoptique. Pendant les mêmes années, j'appris la géométrie élémentaire et l'algèbre à fond. Mais il n'en fut pas de même du calcul différentiel et des autres branches des mathématiques supérieures. Mon père n'avait pas retenu cette partie des connaissances qu'il avait acquises. Il n'avait pas le temps de se mettre à même de résoudre les difficultés qui m'arrêtaient. Il me laissait m'en dépêtrer moi-même, sans autre secours que celui des livres. En attendant, j'encourais ses réprimandes par l'incapacité où j'étais de résoudre des problèmes difficiles, et il n'apercevait pas que je ne possédais pas encore les connaissances nécessaires pour en revenir à bout. Quant aux lectures que je faisais de moi-même, je ne puis dire que ce que je me rappelle. L'histoire était toujours ma lecture favorite, et principalement l'histoire ancienne. Je lus sans désemparer la Grèce de Mitford. Mon père m'avait mis en garde contre les préjugés aristocratiques de cet auteur. Il m'avait averti que Mitford ne laissait pas d'altérer les faits pour blanchir les despotes et noircir les institutions populaires. Il discourait sur ces questions et me les expliquait par des exemples tirés des orateurs et des historiens grecs. Il réussit si bien qu'en lisant Mitford, mes sympathies se portèrent en sens inverse de celles de l'auteur, et que j'aurais pu, jusqu'à un certain point, disputer avec lui. Cet antagonisme ne diminua pourtant pas le plaisir avec lequel je revenais toujours à cette lecture. J'en prenais encore beaucoup à l'histoire romaine, soit à lire mon livre favori, Hooke, soit Ferguson. Un livre que, malgré la sécheresse de son style, j'avais toujours du plaisir à lire, c'était l'histoire ancienne universelle. À force de le lire, j'avais rempli ma tête de détails historiques relatifs aux peuples les plus obscurs de l'Antiquité, tandis que je ne savais presque rien de l'histoire moderne, à l'exception de quelques épisodes détachés de la guerre des Pays-Bas, et que je ne m'inquiétais pas d'en apprendre davantage. J'avais consacré beaucoup de temps, pendant mon enfance, à un exercice volontaire que j'appelais « écrire des histoires ». J'ai composé successivement une histoire romaine, que je tirais de Hooke, un abrégé de l'histoire ancienne universelle, une histoire de Hollande, tirée de mon auteur favori, Watson, et d'une compilation anonyme. À 11 ou 12 ans, je m'occupais à composer un écrit que je ne laissais pas de regarder comme une chose sérieuse. Ce n'était pas moins qu'une histoire du gouvernement romain, compilée avec l'aide de Hooke, d'Antitlive et Denis d'Halicarnasse. J'en avais écrit assez pour faire un in octavo, et j'avais conduit mon sujet jusqu'aux lois lyciniennes. En réalité, c'était un exposé des luttes entre les patriciens et les plébéiens, qui alors absorbaient tout l'intérêt que je donnais auparavant aux guerres et aux conquêtes des Romains. Je discutais toutes les questions constitutionnelles à mesure qu'elles se présentaient. J'ignorais absolument les recherches de Niebuhr, et pourtant, aidé des seules lumières que je devais à mon père, je prenais la défense des lois agraires, en m'appuyant sur le témoignage de Tite-Live, et je soutenais, de mon mieux, le Parti démocratique de Rome. Quelques années plus tard, méprisant les premiers efforts de mon enfance, je détruisis tous ces écrits, ne me doutant pas que je pusse jamais éprouver quelques curiosités à l'égard de mes premiers essais dans l'art d'écrire et de raisonner. Mon père m'encourageait dans cet amusement utile, quoique, avec beaucoup de sens, je crois, il ne me demanda jamais à voir ce que j'écrivais. De la sorte, en composant, Je ne me sentais responsable envers personne, et mon ardeur n'était point glacée par l'idée que je travaillais sous les regards d'un critique. Les exercices historiques n'étaient pas un devoir obligatoire, mais il y avait un autre genre de composition qui l'était. Il fallait que je composasse des vers, et c'était la partie la plus désagréable de ma tâche. Je ne faisais ni vers grec ni vers latin, et je n'ai pas appris la prosodie de ces langues. Mon père pensait que cet exercice ne valait pas le temps qu'il coûtait. Il se contentait de me faire lire des vers à haute voix et de corriger les fautes de quantité que je commettais. Je n'ai jamais rien composé en grec, pas même en prose, et fort peu de choses en latin. Ce n'est pas que mon père méconnût la valeur de ces exercices, qui donnent une connaissance approfondie de ces langues, mais parce qu'en réalité je n'avais pas le temps d'en faire. C'était en anglais qu'il me faisait écrire des vers. Après avoir lu l'Homère de Pope, j'avais eu l'ambition d'essayer une composition qui y ressemblât, et j'avais écrit presque un chant d'une continuation de l'Iliade. Il est probable que l'élan ambitieux qui me portait vers la poésie se serait arrêté là, mais l'exercice que j'avais commencé par goût, je dus le continuer par ordre. Selon l'habitude dont il ne se départait jamais, de m'expliquer autant que possible les raisons de ce qu'il exigeait de moi, mon père me donna cette fois, je m'en souviens fort bien, deux motifs qui le dépeignent au vif. C'était d'abord parce qu'il y a des choses qu'on peut exprimer plus énergiquement en vers qu'en prose, ce qui constituait à ses yeux un avantage réel. C'était ensuite parce que l'on attache en général plus de valeur aux vers qu'ils n'en méritent, et que par conséquent, il vaut la peine d'acquérir la faculté d'en faire. En général, il me laissait choisir mes sujets que je prenais le plus souvent, autant que je me puis le rappeler, dans la mythologie ou parmi les abstractions allégoriques. Il me fit traduire en vers anglais bon nombre des plus courtes poésies d'Horace. Je me souviens aussi qu'un jour, il me donna à lire l'Hiver de Thomson, et qu'ensuite, il me commanda d'essayer d'écrire de moi-même, sans le secours du livre, quelque chose sur le même sujet. Les vers que je composais n'étaient, cela va sans dire, qu'un ramassis de vieilleries, et je n'ai jamais eu de facilité à en faire. Mais cette gymnastique m'a peut-être été utile par la suite en me donnant la faculté de trouver promptement le mot propre. Je n'avais lu encore que bien peu de poètes anglais. Mon père me mit Shakespeare entre les mains pour me faire lire les drames historiques. De ceux-ci, je passais aux autres. Il n'avait jamais beaucoup admiré Shakespeare. Il jugeait avec sévérité l'idolâtrie des Anglais pour ce poète. Il faisait peu de cas des poètes anglais, à l'exception de Milton, pour qui il témoignait la plus profonde admiration, de Goldsmith, de Burns, de Gray, dont il préférait le barde à l'élégie. Peut-être devrais-je ajouter Cowper et Beatty. Il estimait Spencer, et je me rappelle qu'il m'a lu, contrairement à son habitude de me faire lire moi-même, qu'il m'a lu le premier livre de La Reine des Fées. Mais je n'y pris aucun plaisir. Mon père ne trouvait pas beaucoup de mérite aux poètes de notre siècle. Aussi ne les ai-je guère connus avant l'âge d'homme. J'en excepte les romans en vers de Walter Scott, que j'ai lus d'après les conseils de mon père, et qui me firent beaucoup de plaisir, comme tous les récits animés. Les poèmes de Dryden se trouvaient parmi les livres de mon père. Il m'en fit lire plusieurs, mais je ne pris goût pour aucun d'eux, excepté pour la fête d'Alexandre, que j'avais l'habitude de fredonner. De même que les chansons de Walter Scott, sur une musique de mon invention. J'en vins à composer des airs que je me rappelle encore. Je lus avec assez de plaisir les petites poésies de Cowper, mais je n'ai jamais pu lire jusqu'au bout ces longs poèmes. Et dans ces deux volumes, rien ne m'intéressa autant qu'un morceau en prose, l'histoire de trois lièvres apprivoisés. À 13 ans, je mis la main sur les poèmes de Campbell, parmi lesquels Lochiel, Hohenlinden, l'exilé d'Erin et quelques autres me firent éprouver des sensations que la poésie n'avait pas encore éveillées en moi. Pour cet auteur encore, je fis peu de cas des grands poèmes, excepté du début saisissant de Gertrude de Wyoming, que je considérais longtemps comme le plus parfait modèle du pathétique. Durant cette partie de mon enfance, une de mes récréations favorites était la science expérimentale, au sens théorique, et non au sens pratique du mot, bien entendu. Je ne faisais pas d'expérience, et j'ai souvent regretté de n'avoir pas été soumis à ce genre d'exercice. Je n'en voyais même pas faire, je me contentais d'en lire. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé pour aucun livre le ravissement que me causèrent les dialogues scientifiques de Joyce. Je résistais même aux critiques que mon père faisait des mauvais raisonnements qui abondent dans la première partie de cet ouvrage, au sujet des principes de la physique. Je dévorais les traités de chimie, surtout celui d'un ancien camarade d'études de mon père, et son ami, le docteur Thomson, bien des années avant d'assister à une expérience. J'avais environ 12 ans quand j'abordais une nouvelle partie de mon instruction, dont le principal objet était non plus d'aider et d'appliquer la pensée, mais la pensée elle-même. Cette partie débutait par la logique. Je commençais tout d'un coup par l'organon, et je le lus jusqu'aux analytiques inclusivement. Toutefois, s'en tirait beaucoup de profit de l'analytique postérieure, qui appartient à un domaine de la philosophie pour lequel je n'étais pas mûr. En même temps que l'organon, mon père me fit lire en entier, ou seulement en partie, plusieurs traités latins de logique scolastique. Je lui faisais chaque jour, dans nos promenades, un compte-rendu détaillé de ce que j'avais lu, et je répondais à ses questions nombreuses et pressantes. Après cela, je vins à bout, par le même procédé, de la Computatio Sive Logica de Hobbes, ouvrage bien supérieur au livre des logiciens de l'école. Mon père l'estimait fort, et selon moi, bien au-dessus de ses mérites, quelque grand qu'il soit. Mon père ne manquait jamais, quelque étude qu'il me prescrivit, de m'en faire autant qu'il le pouvait comprendre l'utilité. Il insista particulièrement sur celle de la logique syllogistique, que tant d'auteurs, d'une grande autorité, ont contesté. Je me rappelle très bien comment, et dans quel lieu, c'était aux environs de Bagshot Heath, nous étions en visite chez un vieil ami de mon père, M. Wallace, professeur de mathématiques à Sandhurst, il m'amena d'abord par des questions à penser sur la logique et à concevoir ce qui fait l'utilité de la syllogistique. Il me venait en aide et me la faisait comprendre par des explications. Les explications ne me rendaient pas la chose plus claire, mais elles n'en ont pas été pour autant inutiles. Elles sont restées dans mon esprit comme un noyau autour duquel mes observations et mes réflexions ont pu se cristalliser. La valeur des remarques générales que mon père m'avait apprises se révélait à moi à chaque cas particulier qui tombait par la suite sous mon observation. Mes réflexions et l'expérience me conduisirent en définitive à faire autant de cas qu'il en faisait lui-même d'une connaissance intime des procédés de la logique de l'école. Il n'est pas une partie de mon éducation qui ait plus contribué à créer chez moi la faculté de penser telle que je la possède. La première opération intellectuelle où je fis des progrès, ce fut la dissection d'un mauvais argument et la recherche du gîte de l'erreur. Toute l'habileté que j'ai acquise en ce genre, je la dois à la persévérance infatigable avec laquelle mon père m'avait dressé à cette gymnastique intellectuelle, où la logique de l'école et les habitudes d'esprit qu'on acquiert en étudiant jouaient le rôle principal. Je suis convaincu que dans l'éducation moderne, rien ne contribue plus, quand on en a fait un usage judicieux, à former des penseurs exacts, fidèles au sens des mots et des propositions, et en garde contre les termes vagues, lâches et ambigus. On vante beaucoup l'influence des mathématiques pour atteindre ce résultat, et elle n'est rien en comparaison de celle de la logique. En effet, dans les opérations mathématiques, on ne rencontre aucune des difficultés qui sont les vrais obstacles d'un raisonnement correct. La logique est aussi l'étude qui convient le mieux au premier temps de l'éducation des élèves en philosophie, puisqu'elle est indépendante des opérations lentes par lesquelles on acquiert, par l'expérience et la réflexion, des idées importantes par elles-mêmes. Grâce à cette étude, les élèves parviennent à débrouiller une idée confuse et contradictoire avant que leur propre faculté de penser ait atteint son plein développement, tandis que tant d'hommes, capables d'ailleurs, n'y peuvent parvenir, faute d'avoir été soumis à cette discipline. Quand ils veulent répondre à leurs adversaires, ils s'efforcent de soutenir l'opinion contraire à l'aide des arguments qu'ils ont à leur disposition, sans même essayer de réfuter les raisonnements de leurs antagonistes. Et le plus grand succès qu'ils puissent obtenir, c'est de laisser la question indécise, en tant que la solution dépend du raisonnement. Pendant ce temps, je continuais à lire avec mon père les auteurs latins et grecs, qu'il valait la peine d'étudier, non pas tant pour la langue que pour les idées. J'étudiais ainsi plusieurs orateurs, surtout Démosthène, dont je lus plusieurs fois d'un bout à l'autre les principaux discours, et j'en écrivis, en manière d'exercice, des analyses complètes. Mon père accompagnait la lecture que je lui en faisais de commentaires très instructifs. Il ne se bornait pas à attirer mon attention sur le jour dont ces discours éclairent les institutions athéniennes, et sur les principes de législation et de gouvernement qu'ils expliquent. Il me faisait sentir aussi l'habileté et l'art de l'orateur. Il me faisait remarquer avec quelle adresse Démosthène savait dire les choses qui importaient le plus à son but au moment précis où ses auditeurs se trouvaient le mieux préparés à les entendre. Il me montrait comment le grand orateur s'y prenait pour glisser dans l'esprit des Athéniens, peu à peu et en s'insinuant, des idées qui eussent éveillé leur opposition s'il les eût exprimées plus directement. La plupart de ces considérations étaient trop au-dessus de mon intelligence à cette époque pour que je pusse les comprendre tout à fait. Toutefois, elles ont jeté en moi des semences qui ont germé en leur saison. À la même époque, je lus aussi tout Tacite, Juvénal et Quintilien. Ce dernier auteur est peu lu et mal apprécié, peut-être à cause de l'obscurité de son style et de l'abondance des détails scolastiques dont plusieurs parties de son traité sont remplies. Mais son ouvrage est une espèce d'encyclopédie des idées des anciens sur l'éducation tout entière et sur la culture de l'esprit. J'y ai puisé bien des idées importantes que je n'ai plus oubliées et que je puis sans peine rapporter à la lecture que j'en ai faite dans mon enfance. C'est à la même époque que j'ai lu pour la première fois les principaux dialogues de Platon, en particulier le Gorgias, le Protagoras et la République. Il n'y a point d'auteur auquel mon père se crût plus redevable pour la culture de son esprit que Platon. Il n'y en a point qu'il recommanda plus souvent aux jeunes gens studieux. Je puis porter, pour ce qui me concerne, le même témoignage. La méthode socratique, dont les dialogues de Platon sont les principaux monuments, reste encore la meilleure discipline de l'esprit pour corriger les erreurs et éclaircir les confusions inhérentes à l'intellectus sibi permissus, c'est-à-dire à l'intelligence qui a composé tous ces groupes d'associations d'idées sous la direction de la phraséologie populaire. Les opérations dont cette méthode se compose, c'est-à-dire l'interrogation, rigoureuse et pressante, qui contraint un homme dont les idées ne sont que des généralités vagues, soit à exprimer en termes précis ce qu'il entend par ses idées, soit à confesser qu'il ne sait pas ce qu'il dit, la vérification constante de toute proposition générale par des cas particuliers, le siège en règle des termes abstraits, à acception étendue, par les opérations qui consistent à déterminer quelques noms génériques encore plus larges, qui le comprend, tout en comprenant aussi autre chose, à descendre par voie de division jusqu'à la chose qu'on recherche, à poser ses limites, et à formuler sa définition par une série de distinctions soigneusement tracées entre cet objet et ceux qui s'en rapprochent, pour les séparer successivement, toutes ces opérations sont d'une valeur inestimable pour dresser l'homme à penser avec une précision rigoureuse. Même à l'âge où j'étais, elles prirent sur moi un tel empire qu'elles devinrent, pour ainsi dire, des éléments de mon propre esprit. J'ai toujours pensé depuis lors que le titre de « disciple de Platon » appartenait bien mieux aux penseurs qui se sont nourris de son procédé de recherche et qui se sont efforcés d'en acquérir le maniement qu'à ces autres qui se distinguent seulement par l'adoption de certaines conclusions dogmatiques, empruntées surtout aux moins intelligibles de ses écrits, alors que le génie de Platon et le caractère de ses œuvres laissent planer des doutes sur la question de savoir s'il les considérait autrement que comme des fantaisies poétiques ou des conjectures philosophiques. Quand je lisais Platon et Démosthène, depuis que je pouvais lire ces auteurs sans être arrêté par des difficultés de la langue, mon père ne me demandait pas de traduire le texte phrase par phrase. Il me les faisait lire à haute voix, et me posait des questions auxquelles je devais répondre. Mais comme il portait une attention toute particulière à la déclamation, où il excellait, cette lecture à haute voix était fort pénible pour moi. De tout ce qu'il me faisait faire, je ne m'acquittais de rien aussi maladroitement, et c'était toujours la même chose. Je lui faisais toujours perdre patience. Il avait beaucoup réfléchi sur les principes de l'art de lire, notamment sur la partie de cet art qu'on néglige le plus. Je veux parler des inflexions de la voix, et de ce que les auteurs qui ont traité de la déclamation appellent « modulation », pour le distinguer d'une part de l'articulation, et d'autre part de l'expression. Il avait ramené les inflexions à des règles basées sur l'analyse logique de la phrase. Il m'inculquait énergiquement ces règles, et me réprimandait sévèrement à chaque fois que j'y manquais. J'avais fait la remarque, que je n'aurais pas osé lui présenter, que s'il me réprimandait quand je lisais mal une phrase, il se bornait à dire comment j'aurais dû la lire, et jamais en la lisant lui-même, il ne me le montrait. Un même défaut se retrouvait dans tous les procédés d'instruction, d'autres points de vue si admirables, de mon père, comme aussi dans tous les autres modes de sa pensée. Il comptait trop sur l'intelligibilité de l'abstrait présenté seul, sans le secours d'aucune forme concrète. Ce fut bien plus tard, alors que je m'exerçais à la parole, seul ou avec des jeunes gens de mon âge, que pour la première fois je compris l'objet de ces règles, et que j'aperçus les bases psychologiques sur lesquelles il les avait assises. Je poursuivis cette question dans toutes ses branches, et j'aurais pu composer un traité fort utile d'après les principes de mon père. Il n'avait rien écrit sur cette question. Je regrette de n'avoir pas profité du moment où j'étais plein de ce sujet et que je pratiquais systématiquement ces règles pour donner un corps aux idées de mon père et au perfectionnement que j'y avais apporté. Un livre qui contribua puissamment à me former, dans la meilleure acception du mot, ce fut l'Histoire de l'Inde de mon père. Cet ouvrage parut au commencement de l'année 1818. L'année précédente, alors qu'il était sous presse, j'en lisais les épreuves à mon père, ou plutôt, je lui lisais le manuscrit, tandis qu'il corrigeait les épreuves. Je reçus de ce remarquable ouvrage un grand nombre d'idées nouvelles. J'y trouvais des critiques et des recherches sur la société et la civilisation, à propos des hindous, sur les institutions et les actes du gouvernement, à propos des anglais. Mes réflexions en reçurent une impulsion et une direction qui me furent extrêmement utiles par la suite. Bien que je reconnaisse des lacunes dans cet ouvrage, quand je le compare à un type de perfection, je persiste à croire qu'il est pour le moins l'une des histoires les plus instructives et l'un des écrits dont un esprit occupé à se faire des opinions peut tirer le plus de profit. La préface de l'Histoire des Indes, l'un des écrits de mon père qui le peigne le mieux et aussi le plus riche d'idées, offre un tableau fidèle des sentiments et des espérances qui l'inspiraient à l'époque où il l'écrivit. Il avait semé dans tout le cours de son ouvrage les opinions et les jugements d'un radicalisme démocratique qui paraissait alors une opinion extrême. Il traitait avec une sévérité rare à cette époque la Constitution et les lois de l'Angleterre, les partis et les classes qui possédaient une influence considérable dans le pays. S'il pouvait espérer que son œuvre lui fît une réputation, il ne pouvait pas en attendre une amélioration de sa position, ni supposer qu'il se créerait parmi les puissants autre chose que des ennemis. Ce qu'il pouvait le moins espérer, c'était la faveur de la Compagnie des Indes, aux privilèges commerciaux de laquelle il se montrait absolument hostile, et dont il avait si souvent blâmé, avec sévérité, l'administration politique. Dans certaines parties de son livre, il est vrai, il portait en faveur de la Compagnie un témoignage qu'il jugeait mérité, notamment quand il disait que pas un gouvernement n'avait donné autant de preuves, dans la mesure de ses lumières, de ses bonnes intentions envers ses sujets, et que si les actes des autres gouvernements étaient soumis à la même publicité, ils ne résisteraient probablement pas si bien à l'épreuve d'un examen rigoureux. Toutefois, quand il apprit au printemps 1819, environ un an après la publication de l'Histoire des Indes, que les directeurs de la Compagnie voulaient renforcer le bureau qui avait dans ses attributions la correspondance de l'Inde, mon père y sollicita un emploi auprès des directeurs et l'obtint. Il fut nommé assistant de l'examineur de la correspondance de l'Inde. La fonction des assistants consistait à préparer des projets de dépêches pour l'Inde qu'on soumettait au directeur dans les principaux services de l'administration. Dans cet emploi, et dans celui d'examineur, qu'il occupa plus tard, l'influence qu'il sut s'acquérir par ses talents, sa réputation et la décision de son caractère auprès de ses supérieurs qui désiraient réellement assurer à l'Inde un bon gouvernement, lui permirent d'introduire dans ses projets de dépêche et de présenter au jugement de la Cour des directeurs et du Conseil du contrôle ses véritables opinions sur les affaires de ce pays, sans trop les adoucir. Il avait déjà exposé dans son histoire les vrais principes de l'administration de cet empire, et ses dépêches, après son histoire, contribuèrent, plus que tout ce qu'on avait fait jusqu'alors, à améliorer le régime de l'Inde et à apprendre aux fonctionnaires de la Compagnie comment ils devaient comprendre leurs devoirs. Si l'on publiait un choix de ces dépêches, on verrait, j'en suis convaincu, que chez mon père, l'homme d'État était à la hauteur du philosophe. Les nouvelles occupations qui absorbaient le temps de mon père ne relâchèrent point l'attention qu'il portait à mon éducation. C'est pendant la même année, 1819, qu'il me fit faire une étude complète de l'économie politique. Ricardo, son ami intime, venait de publier l'ouvrage qui fit époque dans l'histoire de cette science. Sans les instances de mon père et les puissants encouragements qu'il en reçut, Ricardo ne l'eût jamais publié, ni même écrit. En effet, Ricardo, le plus modeste des hommes, avait beau être convaincu de la vérité de ses doctrines, il s'estimait si peu capable de les faire valoir, soit par l'exposition, soit par le style, qu'il tremblait à l'idée de les publier. un ou deux ans après, les mêmes amicales instances le poussèrent à entrer à la Chambre des communes. Il y rendit à ses idées et à celles de mon père d'éminents services, tant en économie politique que sur d'autres questions, durant les dernières années d'une vie trop courte, que la mort vint trancher au moment où il jouissait de la plénitude de son intelligence. Bien que le grand ouvrage de Ricardo fût déjà imprimé, il n'existait encore aucun traité didactique qui en résumât les idées pour en faciliter l'étude. Mon père fut donc obligé, pour m'apprendre l'économie politique, de commencer par des leçons qu'il me faisait pendant nos promenades. Il exposait chaque jour une partie de cette science, et le lendemain, je la lui rapportais rédigée. Il me faisait refaire et refaire encore mon travail, jusqu'à ce qu'il fût clair, net et assez complet. De la sorte, je parcourus toute l'économie politique, et j'en possédais un abrégé écrit, formé par mes comptes rendus. Mon père s'en servit plus tard, comme de notes pour écrire ses éléments d'économie politique. Après cette préparation, je lus Ricardo. Je rendais compte chaque jour de mes lectures à mon père, et je discutais de mon mieux les questions accessoires qui se présentaient à mesure que j'avançais. Au sujet de la monnaie, la question la plus embrouillée de l'économie politique, il me fit lire, toujours avec la même méthode, les admirables brochures que Ricardo avait écrites à l'époque de la polémique sur les métaux précieux. Il me fit étudier ensuite Adam Smith. Ce dont il s'occupa, surtout pendant cette étude, ce fut de me faire appliquer aux idées plus superficielles de Smith les lumières supérieures de Ricardo et découvrir ce qu'il y a d'erroné dans les arguments de Smith ou dans ses conclusions. Une telle méthode d'instruction était merveilleusement combinée pour former un penseur. Mais il fallait qu'elle fût maniée par un penseur aussi exact et aussi vigoureux que mon père. Même avec lui, le chemin était rude. Il l'était pour moi, bien que le sujet m'intéressât vivement. Mon père s'impatientait souvent, et plus que de raison, quand je ne réussissais pas dans un travail où il n'aurait pas fallu attendre le succès, mais, en somme, la méthode était bonne, et elle a réussi. Je ne crois pas qu'aucun enseignement scientifique ait été mieux approfondi et mieux approprié au but de former les facultés de l'esprit que celui que mon père me donna en logique et en économie politique. Il s'efforçait, et souvent avec exagération, de mettre en jeu mes facultés en me faisant tout trouver par moi-même. Il ne me donnait pas ses explications avant, mais après. Je sentais donc toute la force des obstacles. Non seulement j'y gagnais une connaissance exacte de ces deux sciences, ainsi qu'on les comprenait alors, mais j'appris à penser sur les matières qui en font l'objet. Je pensais par moi-même presque depuis le début, et quelquefois d'une façon très différente de celle de mon père. Longtemps, ces différences ne portèrent que sur des questions secondaires, et je prenais ses opinions comme une pierre de touche. Plus tard, il m'est arrivé de le convaincre et de modifier son opinion sur des points de détail. Je le dis à son honneur, non pour m'en faire gloire, c'est une preuve de sa parfaite bonne foi et de l'excellence de sa méthode d'enseignement. Là finirent ce que je peux proprement appeler mes classes. J'avais environ 14 ans. Je quittai l'Angleterre pour plus d'une année, et après mon retour, si mes études restèrent encore sous la direction générale de mon père, il ne me donna plus de leçons. Il convient que je m'arrête un instant pour considérer les questions d'une nature plus générale qui se rapportent aux années de ma vie dont je viens de tracer les souvenirs. La chose qui frappe tout d'abord dans le cours de l'instruction que j'ai décrite, c'est le grand soin que mon père a pris de me donner durant les années de mon enfance une somme d'instructions comprenant les branches supérieures qu'on n'apprend qu'à l'âge d'homme, quand on les apprend. Le résultat de l'expérience montre avec quelle facilité on peut y arriver et met fortement en lumière le misérable gaspillage de tant d'années précieuses qu'un si grand nombre d'écoliers consument à acquérir la maigre provision de latin et de grec qu'on leur enseigne d'ordinaire. C'est ce gaspillage qui a conduit bon nombre de partisans des réformes de l'enseignement à soutenir l'idée fausse qu'il fallait écarter complètement ces langues de l'éducation générale. Si j'avais été doué naturellement d'une grande facilité à saisir ce qu'on m'enseignait, ou si j'avais possédé une mémoire très exacte et très fidèle, ou bien encore si j'avais eu un caractère éminemment actif et énergique, les preuves n'auraient pas été concluantes. Mais pour toutes ces qualités, je reste plutôt au-dessous de la moyenne que je ne la dépasse. Ce que j'ai fait, assurément, un garçon ou une fille de capacité moyenne et en bonne santé peuvent le faire. Si j'ai pu accomplir quelque chose, je le dois, entre autres circonstances heureuses, à ce que l'éducation par laquelle mon père m'a formé m'a donné, je peux bien le dire, sur mes contemporains, l'avantage d'une avance d'un quart de siècle. Il y avait dans mon éducation un point d'une importance essentielle. J'en ai déjà fait mention. Plus que tout le reste, ce fut la cause des bons effets que j'en retirais. La plupart des enfants et des jeunes gens à qui on a appris beaucoup de choses, bien loin de rapporter de leur éducation des facultés fortifiées, n'en sortent qu'avec des facultés surmenées. Ils sont bourrés de faits, d'opinions et de formules d'autrui qu'ils acceptent et qui leur tiennent lieu du pouvoir de s'en faire eux-mêmes. C'est ainsi qu'on voit des fils de pères éminents, pour l'éducation desquels rien n'a été épargné, arriver à l'âge mûr en débitant comme des perroquets ce qu'ils ont appris dans leur enfance, incapables de se servir de leur intelligence en dehors du sillon qu'on a tracé pour eux. Mon éducation n'était pas de ce genre. Mon père ne permit jamais que mes leçons dégénérassent en un exercice de mémoire. Il tâchait de mener mon intelligence non seulement du même pas que l'enseignement, mais autant que possible de lui faire prendre les devants. Tout ce que je pouvais apprendre par le seul effort de la pensée, mon père ne me le disait jamais, tant que je n'étais pas à bout des ressources pour le trouver moi-même. Autant que je puis compter sur mes souvenirs, je m'acquittais assez mal de cette obligation. Ma mémoire était pleine d'exemples de mes échecs et n'en contient guère de mes succès. Il est vrai que j'échouais sur des difficultés qu'à mon âge je ne pouvais guère surmonter. Je me souviens qu'un jour, à l'âge de 13 ans, il m'arriva de me servir du mot « idée ». Mon père me demanda ce que c'est qu'une idée et se montra mécontent de mon impuissance à définir ce mot. Je me rappelle aussi son indignation. Un jour qu'il m'entendit employer la phrase banale que telle chose est vraie dans la théorie, mais qu'il convient de la corriger dans la pratique. Il essaya vainement de m'amener à définir le mot théorie, puis il m'en expliqua le sens et me montra l'erreur de l'expression usuelle dont je m'étais servi. Il me laissa persuader que mon impuissance à donner une définition de la théorie, après en avoir parlé comme d'une chose qui peut se trouver en désaccord avec la pratique, révélait chez moi la plus abjecte ignorance. Il me sembla qu'en s'indignant à ce sujet, mon père dépassait la mesure, et peut-être la dépassait-il. Je crois pourtant que c'était l'effet du mécontentement que lui causait mon échec. Un élève à qui on ne demande jamais ce qu'il ne peut pas faire, ne fait jamais tout ce qu'il peut. Un des maux qui sont d'ordinaire la conséquence des progrès rapides, et qui souvent en flétrit des fruits, c'est la suffisance. Mon père cherchait à m'en préserver avec une grande sollicitude. Il mettait une vigilance extrême à éloigner de moi les occasions de m'entendre louer ou de faire des comparaisons flatteuses pour moi. De mes rapports avec lui, je ne pouvais prendre qu'une opinion très humble de mes mérites, puisque le terme de comparaison qu'il proposait sans cesse à mon ambition, c'était non pas ce que les autres font, mais ce qu'un homme pourrait et devrait faire. Il a parfaitement réussi à me préserver de l'influence qu'il redoutait si fort. J'ignorais absolument que mes progrès fussent une chose exceptionnelle à mon âge. Si par hasard, mon attention se trouvait attirée sur un autre enfant qui savait moins que moi, ce qui est arrivé moins souvent qu'on ne pourrait l'imaginer, j'en concluais non pas que je savais beaucoup, mais que cet enfant, pour une raison ou pour une autre, savait peu, ou encore que ses connaissances étaient d'un autre genre que les miennes. Je n'éprouvais pas d'humilité, mais je n'éprouvais pas non plus d'arrogance. Je n'ai jamais songé à me dire ce que j'étais, ni ce que je pouvais faire. Je ne m'estimais ni beaucoup, ni peu, je n'y songeais pas. Si j'avais une pensée sur moi-même, c'est que j'étais plutôt en retard qu'en avance sur mes études, puisque je me trouvais toujours dans cet état en comparaison de ce que mon père attendait de moi. Je l'affirme hardiment, quoique ce ne soit pas l'impression de quelques personnes qui m'ont connu dans mon enfance. Elle me trouvait, je l'ai su depuis, d'une suffisance fort désagréable. Probablement parce que j'étais disputeur et que je n'éprouvais aucun scrupule à opposer une contradiction directe à ce que j'entendais dire. J'avais, je crois, acquis cette mauvaise habitude parce qu'on m'avait encouragé d'une façon toute exceptionnelle à m'entretenir de sujets au-dessus de mon âge, avec de grandes personnes, et qu'on ne m'avait jamais inculqué le respect dont elles sont habituellement l'objet. Mon père ne corrigeait pas ses actes d'impolitesse et d'impertinence, probablement parce qu'il ne s'en apercevait pas. J'étais trop pénétré envers lui d'une crainte respectueuse pour ne pas rester toujours extrêmement soumis et tranquille en sa présence. Malgré ce qu'on a pu croire, je n'avais aucune idée de posséder la moindre supériorité et c'était très bon pour moi qu'il en fût ainsi. Un jour, dans Hyde Park, je me souviens très bien l'endroit où se passe la scène, j'avais 14 ans et j'allais quitter la maison paternelle pour une longue absence. Mon père me dit qu'à mesure que je ferais connaissance avec de nouvelles personnes, je m'apercevrais que j'avais appris bien des choses qu'en général, les jeunes gens de mon âge ne savaient pas. Et que sans doute, on serait disposé à m'en parler et à m'en faire compliment. Je me rappelle très imparfaitement tout ce qu'il ajouta sur ce sujet, mais il aboutit à me dire que si je savais plus que les autres, il ne fallait pas l'attribuer à mon propre mérite, mais à l'avantage exceptionnel qui m'était échu d'avoir un père capable de m'instruire et qui eût voulu prendre la peine de le faire et d'y consacrer le temps nécessaire. Que si je savais plus que ceux qui n'avaient pas joui du même avantage, il ne fallait pas y voir une raison de me glorifier, mais plutôt de songer à la honte que j'aurais encourue si le contraire fût arrivé. Quand mon père m'apprit que je savais plus de choses que d'autres jeunes gens, qui passaient pour avoir reçu une bonne éducation, j'accueillis cette révélation comme une information et j'y accordais une entière confiance ainsi qu'à tout ce qu'il me disait. Mais il ne me parut pas que cela me concernât. Je n'avais aucun penchant à tirer vanité de ce qu'il y avait des personnes qui ignoraient ce que je savais. Et je ne me flattais pas de l'idée que mes connaissances, quelles qu'elles fussent, provinssent de mon propre mérite. Mais au moment où mon attention fut attirée sur ce point, je trouvais que ce que mon père disait des avantages dont j'avais joui était l'expression exacte de la vérité et du bon sens, et je n'ai jamais depuis changé d'opinion à cet égard. Il est clair que ce résultat, comme tant d'autres qui entraient dans le plan d'éducation de mon père, n'aurait point été atteint si mon père n'eût tenu la main à ce que je n'eusse pas trop de rapport avec les autres enfants. Il voulait à tout prix m'épargner non seulement des effets de l'influence corruptrice que les enfants exercent les uns sur les autres, mais de la contagion des pensées et des sentiments vulgaires. Il entendait bien que je payasse cet avantage par une infériorité dans les talents que les écoliers de tous les pays cultivent avant tout, mais les lacunes de mon éducation portaient sur les choses que les enfants apprennent, quand ils sont livrés à eux-mêmes et obligés de se tirer d'affaire tout seuls, ou quand ils sont rassemblés en grand nombre. Grâce à un régime sobre, et à de longues promenades, je grandis en bonne santé. Je devins vigoureux sans être musculeux. Toutefois, je ne pouvais faire aucun tour d'adresse ni de force. Je ne connaissais aucun des exercices du corps. Ce n'est pas que la liberté ou le temps de m'y livrer me fussent refusés. Je n'avais pas, il est vrai, de congé, parce qu'ils rompent l'habitude du travail et exposent les enfants à contracter le goût de l'oisiveté. Mais j'avais beaucoup de loisirs chaque jour pour m'amuser. Comme je n'avais pas de camarades, et que d'ailleurs le besoin d'activité physique se trouvait satisfait par la marche à la promenade, je m'amusais seul la plupart du temps, et sans bruit, ou je lisais. Je ne stimulais en moi aucune autre activité, pas même d'esprit, que celle que mes études mettaient en jeu. En conséquence, je restais longtemps maladroit pour tout ce qui exigeait de l'adresse des mains, et je n'ai jamais cessé de l'être. Mon esprit, comme mes mains, faisait son œuvre très timidement quand il s'appliquait ou devait s'appliquer à quelqu'un de ces détails qui tiennent tant de place dans la vie de la majorité des hommes et sur lesquels se concentrent d'ordinaire tout ce qu'ils ont de capacité mentale. Je ne cessais de mériter des reproches pour mon inattention et la nonchalance de mon esprit dans les détails de la vie de tous les jours. Mon père était tout le contraire à cet égard. Ses sens et son intelligence étaient toujours en éveil. Il montrait de la décision et de l'énergie dans toutes ses manières et dans chacune de ses actions. Ses qualités, autant que ses talents, contribuaient à faire une vive impression sur les gens avec lesquels il se rencontrait. Mais il arrive souvent que les enfants de parents énergiques manquent d'énergie parce qu'ils comptent sur leurs parents et que les parents en ont pour eux. L'éducation que mon père me donna était mieux faite pour me former au savoir qu'à l'action. Il s'apercevait fort bien de ce qui me manquait. Soit dans mon enfance, soit dans ma jeunesse, j'ai sans cesse eu à souffrir de ses sévères admonestations à ce sujet. Il ne montrait ni négligence, ni insouciance pour ce genre de défauts qu'il observait en moi, mais s'il m'avait épargné l'influence démoralisatrice de la vie des écoles, il ne faisait rien pour me procurer un équivalent efficace des leçons qu'elle donne pour la vie pratique. Toutes ces qualités, il les avait sans doute acquises sans peine, ou du moins sans une éducation spéciale, et peut-être croyait-il que je les acquerrais aussi aisément. C'est, je pense, qu'il n'avait pas réfléchi autant sur ce sujet que sur les autres parties de l'éducation, et sur ce point, comme sur quelques autres de mon instruction, il me semble qu'il est attendu des effets sans cause.